C'est une route sans feu rouge, depuis l'Hudson River jusqu'en Californie. Et dans ma mémoire, je conserve une silhouette qui bouge. Celle d'une fille en jeans entre Nashville et Baton Rouge. Elle marchait en rêvant, près du Mississippi. C'est jamais les gratte-ciels, ni les flics, ni les fusils, ni la drogue, ni le sang. C'est plutôt les enfants qui, sur leur vélo rouge, distribuent les journaux aux portes des maisons. Il y a des bouteilles de lait sur tous les paillassons. Un petit studio en Floride, dans la banlieue près d'Orlando. Avec trois guitaristes, deux batteurs, trois banjos, on avait enregistré une nouvelle version de Blue Suede Shoes sur un air paresseux et nonchalant de blues. Ouais, mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi est telle que je la rêve, telle que je l'ai vécue, et telle que vous l'avez vue dans les films noirs et blancs. La lumière était belle, et les figurants des westerns semblaient tout droit venus des albums illustrés signés Norman Rockwell. Good morning, avec un grand sourire. Me sert du café chaud, des pommes à la vanille. M'invite pour passer Noël au Tennessee et pour faire du cheval dans la West Virginie. À moi, c'est toujours cette fille en jeans. Je ne sais pas pourquoi elle court dans ma mémoire. Il ne s'est pourtant rien passé entre nous. Pas d'histoire. Et quand j'ai voulu connaître comment on la nommait, elle m'a dit « Freedom ». Je crois bien qu'en français, ça veut dire « Liberté ».